Un antiquaire, nommé Douvrier, imagina dès lors pour Louis XIV l'emblème d'un soleil dardant ses rayons sur un globe, avec ces mots « Nec pluribus impar », c'est-à-dire « non inégal à plusieurs, donc supérieur à tous ». L'idée était un peu imitée d'une devise espagnole faite pour Philippe II, et, plus convenable à ce roi, qui possédait la plus belle partie du Nouveau Monde, étant d'état dans l'ancien, qu'à un jeune roi de France qui ne donnait encore que des espérances. Cette devise eut un succès prodigieux. Les armoiries du roi, les meubles de la couronne, les tapisseries, les sculptures en furent ornées. Le roi ne la porta jamais dans ses carrousels. On a reproché injustement à Louis XIV le faste de cette devise, comme s'il l'avait choisie lui-même.